En ce moment y'a tout qui me dérange, je suis tendu. Envie de disparaître et tous les laisser en vue. J'apprends à vivre avec ce qu'il y a dans ma tête. Les opposés s'attirent, je suis tombé pour un ange. Tu sais ce que ça fait de moi, peut-être qu'au fond ça m'arrange de penser que je suis mauvais. Je suis sûr que je suis mauvais et je mérite pas mes frères. Je vous aime et je lève mon verre. Quand tu pars, je me sens pas à la maison. Les bras croisés, le cœur qui tend la main. Je repense quand j'avais ton corps près du mien. Et ça me détruit plus que ça me fait du bien. Compte pas sur moi, j'ai pas envie. Tout ce que je touche, ça part en vrille. À l'intérieur, un grand vide. Il manque toujours quelque chose, c'est ça ma vie. Je finis la bouteille, je veux plus penser. Encore une bouteille, et je pourrais danser. Adieu le monde, le rideau baissé. Ne dis pas que tu m'aimes, ça va me stresser. Oh, oh, ah. Je te donnerai quelque chose à regretter. Tendresse le temps d'un été. Cœur anesthésié comme si était. Ah. Je sais pas, je suis jamais d'humeur. J'ai envie de rentrer chez moi au bout d'une heure. J'attends plus de messages, j'attends plus de fleurs. Tu manges, je sais que c'est pas pour moi que tu pleures. Compte pas sur moi, j'ai pas envie. Tout ce que je touche, ça part en vrille. À l'intérieur, un grand vide. Il manque toujours quelque chose, c'est ça ma vie. Compte pas sur moi, j'ai pas envie. Tout ce que je touche, ça part en vrille. À l'intérieur, un grand vide. Il manque toujours quelque chose, c'est ça ma vie. Thank you.